Un jour, quelqu'un l'interrompit au milieu de son récit, en présence d'une nombreuse assemblée, et lui demanda pour quel crime son père avait été condamné à l'exil. À cette question peu délicate, un profond silence annonça la désapprobation de la société. La jeune fille, jetant sur l'indiscret un regard plein d'une juste et froide indignation, « Monsieur, lui répondit-elle, un père n'est jamais coupable pour sa fille, et le mien est innocent. » Lorsqu'elle racontait les détails de son histoire et développait sans y penser les qualités de son noble caractère, elle n'était jamais animée par l'enthousiasme qu'elle inspirait à ses auditeurs. Elle ne parlait que pour satisfaire aux demandes qu'on lui faisait. Ses réponses étaient toujours dictées par un sentiment d'obéissance, jamais par le désir de briller, ou même d'intéresser personne. Les éloges qu'on lui prodiguait excitaient son étonnement, et lorsqu'ils étaient outrés, ou même de mauvais goût, son mécontentement devenait visible. Le temps qu'elle passa dans la capitale en attendant le décret de rappel de son père lui donna des jouissances innombrables. Tout était nouveau pour elle, tout l'intéressait. Les personnes qu'elle voyait fréquemment admiraient les jugements pleins de sens qu'elle portait sur les divers objets de ses observations. Deux dames de la cour, qu'elle avait prises dans une affection particulière, les comtesses W, lui proposèrent un jour de voir l'intérieur du palais impérial, et s'amusèrent beaucoup de la surprise que lui causait à chaque pas tant de richesses réunies et de si vastes appartements. Lorsqu'elle entra dans la magnifique salle de Saint-Georges, elle fit le signe de la croix, croyant entrer dans une église. Elle revit sans les reconnaître quelques salons qu'elle avait déjà parcourus lors de sa présentation, tant elle était alors préoccupée de sa situation et du sujet important qui l'y amenait. Comme elle passait dans une grande pièce, l'esprit frappé par tant de merveilles, une des dames lui fit remarquer le trône. Elle s'arrêta tout à coup, saisie de respect et de crainte. « Ah, c'est donc là, dit-elle, le trône de l'empereur. Voilà donc ce que je craignais si fort en Sibérie. » L'effroi que lui causait jadis cette idée, le souvenir des bienfaits de l'empereur, la pensée de la délivrance prochaine de son père, remplirent son cœur, reconnaissant d'un trouble inexprimable. Elle joignait les mains en pâlissant. « Voilà donc, répétait-elle, d'une voix altérée et prête à se trouver mal, le trône de l'empereur. » Elle demanda la permission de s'en approcher, et s'avança toute tremblante, soutenue par ses deux conductrices, vivement touchée elle-même de cette scène inattendue. Praskovie, à genoux au pied du trône, en baisait les marches avec transport et les mouillait de ses larmes. « Oh, mon père !» s'écriait-elle, « voyez où la puissance de Dieu m'a conduite. Mon Dieu, bénissez ce trône, bénissez celui qui l'occupe, et faites que ses jours soient remplis de tout le bonheur dont il m'a comblé. » On eut quelque peine à l'entraîner dans un autre appartement. Mais elle demanda bientôt à se retirer, fatiguée des vives émotions qu'elle venait d'éprouver. Et l'on remit à un autre jour la visite du reste du palais. Quelque temps après, les deux dames la conduisirent à l'ermitage. Ce superbe palais, dont les richesses et l'élégance donnent l'idée d'une féerie, lui causa plus de plaisir que tout ce qu'elle avait admiré jusqu'alors. Elle voyait pour la première fois des tableaux et parut prendre un grand plaisir à les examiner. Elle reconnut d'elle-même plusieurs sujets tirés de l'écriture sainte. Mais en passant devant un grand tableau de Luca Giordana, qui représentait Silène ivre, soutenue par des bacchantes et des satyres, « Voilà, dit-elle, un vilain tableau. Que représente-t-il » On lui répondit que le sujet était tiré de la fable. Elle demanda de quelle fable. Comme elle n'avait aucune idée de la mythologie, il eût été difficile de lui donner une explication satisfaisante. « Tout cela n'est donc pas vrai, disait-elle. Voilà des hommes avec des pieds de chèvre. Quelle folie de peindre des choses qui n'ont jamais existé. Comme s'il en manquait de véritables. » Elle apprenait ainsi, à l'âge de 21 ans, ce qu'on apprend ordinairement dans l'enfance. Cependant, sa curiosité ne la rendait jamais indiscrète. Elle faisait rarement des questions et tâchait de comprendre, ou de deviner elle-même, ce que ses observations lui présentaient de singulier et de nouveau. Rien ne l'intéressait autant que de se trouver dans une société de personnes instruites qui ne faisaient pas attention à elle, et d'entendre leurs discours. Elle regardait alors tour à tour chaque interlocuteur à mesure qu'il parlait, et l'écoutait avec une attention particulière, n'oubliant rien de ce qu'elle avait entendu ou pu comprendre. Lorsqu'elle était avec ses connaissances intimes, elle ramenait involontairement la conversation sur l'accueil bienveillant que lui avaient fait les deux impératrices. Elle rappelait avec sensibilité chacune de leurs paroles et ne pouvait en parler sans que des larmes de reconnaissance vinssent humecter ses paupières. Elle était heureuse alors d'entendre chacun enrichir sur les sentiments d'admiration qu'elle témoignait et s'étonnait de ce qu'on n'en parlait pas assez souvent à son gré. L'ukase du rappel de son père tarda cependant plus qu'elle ne s'y était attendue. Tandis que ses amis aplanissaient les difficultés de cette affaire, Praskovi n'oubliait point les deux prisonniers, qui, lors de son départ d'Ifechim, lui avaient offert de partager leur petit trésor avec elle. Souvent, elle avait parlé d'eux aux personnes qui ne pouvaient influer sur leur sort. Mais ses protecteurs lui avaient unanimement conseillé de ne pas ajouter cette démarche à celle qu'on faisait en faveur de son père. Et la crainte seule de nuire à la cause de ses parents avait pu l'empêcher de suivre ses bonnes intentions. Heureusement pour ces malheureux, la bonté de l'empereur lui donna l'occasion de lui être utile. Lorsque l'ukase définitif de la délivrance de son père fut expédié en Sibérie, en lui faisant annoncer cette heureuse nouvelle, Sa Majesté chargea le ministre de lui demander si elle n'avait rien à désirer personnellement pour elle-même. Elle répondit aussitôt que si l'empereur voulait encore lui accorder une grâce, après l'avoir comblée de bonheur par la délivrance de son père, elle le suppliait d'accorder la même faveur aux deux infortunés compagnons de ses parents. M. K. rendit compte à l'empereur de la noble reconnaissance qui portait la jeune fille à sacrifier les faveurs de Sa Majesté pour rendre service à deux hommes qui lui avaient offert quelques copecs à son départ de la Sibérie. Son désir fut exaucé, et l'ordre de leur rappel partit quelques jours après celui qui concernait son père. Ainsi le mouvement de générosité qui avait porté les deux hommes à secourir de leurs faibles moyens la voyageuse à son départ leur valut la liberté. Praskovi, ayant obtenu tout ce qu'elle désirait, songea bientôt à remplir ses vœux et repartit en pèlerinage pour Kiev. Ce fut en remplissant ce pieux devoir et en méditant sur tout ce que la Providence avait fait en sa faveur qu'elle prit la détermination irrévocable de consacrer ses jours à Dieu. Tandis qu'elle se préparait à ce sacrifice et qu'elle prenait le voile à Kiev, son père recevait en Sibérie la nouvelle inattendue de sa liberté. Sa fille était partie depuis plus de 20 mois, et par une fatalité inexplicable, ses parents n'avaient jamais reçu de ses nouvelles. Pendant cet intervalle, l'empereur Alexandre était monté sur le trône. À son heureux avènement, un grand nombre de prisonniers avaient été rappelés. Mais ceux d'Ishim n'étaient pas du nombre. Le sort de Lopoulov et de sa femme n'en était devenu que plus cruel. Privés désormais de tout espoir, ainsi que de la présence de l'enfant chéri qui les avait aidés à supporter la vie, ils étaient prêts à succomber sous le poids de leurs maux lorsqu'un courrier du gouverneur de Tobolsk vint les tirer de cet abîme. Ils reçurent avec l'ukase de leur délivrance un passeport pour entrer en Russie et une somme d'argent pour leur voyage. Cet événement et les circonstances qui l'avaient amené firent beaucoup de bruit en Sibérie. Les habitants d'Ishim, qui connaissaient Lopoulov, ainsi que les prisonniers qui se trouvaient dans le village, vinrent chez lui dès qu'ils en eurent connaissance. Ceux de ses anciens compagnons d'infortune, qui tournaient en ridicule l'entreprise de Praskovi, ceux surtout qui lui avaient refusé leur secours dont il pouvait disposer pour son voyage, auraient bien voulu maintenant y avoir contribué. Lopoulov reçut les félicitations de tout le monde avec reconnaissance, et son bonheur aurait été complet sans le regret qu'il éprouvait de laisser en captivité ses deux amis, dont il ignorait encore la bonne fortune. Ces deux hommes, déjà vieux, étaient en Sibérie depuis la révolte de Pougatchev, dans laquelle ils avaient été malheureusement impliqués dans leur jeunesse. Lopoulov s'était plus étroitement lié avec eux depuis le départ de sa fille. Eux seuls, parmi toutes ses connaissances, avaient pris un intérêt sincère au sort de la voyageuse. Pendant longtemps, leurs entretiens ne roulaient que sur elle, et sur les chances heureuses ou malheureuses qu'ils prévoyaient tour à tour, suivant que la crainte ou l'espérance les agitait. Lopoulov offrit de leur laisser une partie des secours qu'il avait reçus, mais ils n'acceptèrent pas son offre. « Nous n'en avons pas besoin, dit l'un d'eux, et j'ai encore la pièce d'argent que votre fille a refusée à son départ. » Il n'entrait dans ce refus aucune jalousie, mais un profond découragement accablait ces deux infortunés, depuis la nouvelle qui les séparait de leur unique amie. Ils se rappelèrent la promesse que leur fille, en partant, Praskovi, de s'intéresser à eux, persuadés ainsi que tous les habitants d'Ishim, après mille bruits qui couraient dans le public, de la faveur sans borne qu'elle avait obtenue, ils se crurent oubliés et l'osant se plaindre à son père. Ils renfermaient en leur cœur le sombre chagrin qui les dévorait. La veille du jour où Lopoulov devait les quitter, ils voulurent prendre congé de lui pour n'avoir pas la douleur d'assister à son départ. Ils entrent de chez lui à 9 heures du soir et se retirèrent le cœur navré de toutes les douleurs que les hommes peuvent supporter sans mourir. Après leur départ, Lopoulov et sa femme pleurèrent longtemps sur le sort de leurs deux amis. « Sans doute, disaient-ils, notre fille ne les a pas oubliés. Peut-être encore, avec le temps, obtiendra-t-elle leur grâce. Nous l'engagerons à faire de nouvelles démarches en leur faveur. » Avec ces idées consolantes, ils se couchèrent pour être prêts à partir le lendemain de bonne heure. Ils étaient à peine endormis qu'ils entendent frapper fortement à la porte. Le même Feldjègre, qui leur avait apporté la bonne nouvelle, n'ayant pas trouvé le capitaine Ishpravnik, auquel était adressée la dépêche, et connaissant leur logement, revenait avec la grâce des deux amis. Lopoulov se leva précipitamment pour le conduire chez eux. Les deux malheureux s'étaient retirés dans le plus affreux désespoir. En rentrant de leur chaumière déserte, ils s'assirent sur un banc dans l'obscurité et gardèrent un profond silence. Que pouvaient-ils se dire? Ils avaient perdu toute espérance, et l'exil éternel pesait maintenant sur eux avec une nouvelle force. Depuis 2 heures, ils souffraient à la fois leurs maux présents et ceux que leur présageait un sombre avenir. Lorsque la lumière d'une lanterne vint éclairer tout à coup la petite fenêtre de leur réduit. Ils écoutent, plusieurs personnes marchent et parlent auprès de la chaumière. On frappe. Une voix amie et bien connue se fait entendre. « Ami, ouvrez! Grâce, grâce, aussi pour vous! Ouvrez !» Aucune langue ne peut décrire une semblable situation. Pendant quelques minutes, on n'entendit que des phrases entrecoupées. « Grâce, l'empereur, que Dieu le bénisse, que Dieu soit loué, qu'il comble de ses faveurs la bonne Praskovie, qui ne nous a pas oubliés. Jamais habitation humaine n'avait renfermé des êtres plus heureux. Jamais il n'exista de passage plus rapide, du comble de l'infortune au bonheur le plus inespéré. » Le capitaine, Ishpravnik, ayant appris, en rentrant chez lui, qu'un Feldeg le cherchait, courut lui-même chez les deux amis et décacheta la dépêche, qui contenait 2 passeports pour eux et une lettre de Praskovie à son père. Elle écrivait qu'après avoir obtenu cette nouvelle grâce, elle n'aurait osé solliciter encore des secours pour le voyage de ses anciens compagnons, mais que Dieu y avait pourvu en récompense de l'offre généreuse qu'il lui avait faite lors de son départ de Sibérie. Elle avait joint à sa lettre la somme de 200 roubles en assignation. Cependant, elle attendait à Kiev, avec la plus vive impatience, la nouvelle du retour de son père. Il lui semblait, en faisant le calcul du temps, qu'il aurait pu lui écrire. En prenant le voile à Kiev, elle n'avait point l'intention de s'y fixer, voulant s'établir pour toujours dans le couvent de Nijni, comme elle l'avait promis à l'abbesse. Elle écrivit à cette dernière lorsque ses dévotions furent achevées, et partit bientôt après pour se rendre près d'elle. Cette bonne supérieure l'attendait avec impatience, et ne lui avait point appris l'arrivée de son père pour lui réserver une surprise agréable. Lopoulov et sa femme étaient à Nijni depuis quelque temps. Praskovie, en arrivant, se prosterna au pied de l'abbesse qui s'était rendue à la porte du monastère, avec toutes ses religieuses pour la recevoir. « N'a-t-on point de nouvelles de mon père ?» demanda-t-elle aussitôt. « Venez, mon enfant, lui dit la supérieure, nous en avons de bonnes. Je vous les donnerai chez moi. » Elle la conduisit le long des cloîtres et du couvent sans rien ajouter. Les religieuses gardaient le silence et leur air mystérieux l'aurait inquiété, sans le sourire de bienveillance qu'elle voyait sur tous les visages. En rentrant chez l'abbesse, elle trouva son père et sa mère, auxquels on avait également caché son arrivée. Dans le premier moment de surprise qu'ils éprouvèrent, en voyant leur fille chérie en habit de religieuse, et pressés à la fois par un sentiment de reconnaissance et de douleur, ils tombèrent à genoux devant elle. À cette vue, Praskovie fit un cri douloureux, et se mettant elle-même à genoux. « Que faites-vous, mon père ? » s'écria-t-elle. « C'est Dieu, Dieu seul, qui a tout fait. » Remercions sa providence pour le miracle qu'elle a opéré en notre faveur. » L'abbesse et ses religieuses, touchées de ce spectacle, se prosternèrent elles-mêmes et réunirent leurs actions de grâce à celles de l'heureuse famille. Les plus tendres embrassements succédèrent à ce mouvement de piété, mais d'abondantes larmes roulaient dans les yeux de la mère lorsqu'elle les fixait sur le voile de sa fille. Le bonheur dont jouissait la famille Lopoulov depuis sa réunion ne pouvait être de longue durée. L'état religieux qu'avait embrassé Praskovie condamnait les vieux parents à vivre séparés de leur fille. et cette nouvelle séparation leur paraissait plus cruelle encore que la première, parce qu'elle était alors sans espérance. Leurs moyens ne leur permettaient pas de s'établir à Nijni. Sa mère avait des parents à Vladimir qui les invitaient à se rendre auprès d'eux. La nécessité les contraignit à prendre ce dernier parti. Après avoir passé 8 jours dans une alternative continuelle de joie et de tristesse, troublés dans leur félicité par la pensée de leur éloignement prochain, ils songèrent à partir pour la nouvelle destination. La bonne mère surtout était inconsolable. « À quoi nous a servi, disait-elle, cette liberté tant désirée ? Tous les succès de notre chérie n'étaient donc destinés qu'à l'arracher pour toujours de nos bras. Que ne sommes-nous encore en Sibérie avec elle ?» Telles étaient les plaintes de la malheureuse mère. C'est une grande douleur à toutes les époques de la vie de se séparer pour toujours de ses proches et de ses amis. Mais combien de destinées est plus affreuse encore lorsque l'âge pèse déjà sur nous et que nous n'attendons plus rien à l'avenir. En prenant congé de ses parents dans l'appartement de la supérieure, Praskovi leur promit d'aller leur faire visite à Vladimir dans le courant de l'année. Ensuite, la famille, accompagnée de l'abbesse et de quelques religieuses, se rendit à l'église. La jeune novice, quoique aussi sensible que sa mère à cette douloureuse séparation, se montrait plus forte et plus résignée, et cherchait à l'encourager. Cependant, pour prévenir les transports de sa douleur, dans les derniers moments, après avoir prié quelques instants avec elle au pied des autels, elle s'éloigna doucement, entra dans le cœur où se trouvaient les autres religieuses, et parut au travers de la grille. « Adieu, mes bons parents, leur dit-elle, votre fille appartient à Dieu. » Mais elle ne vous oubliera pas, père chéri, mère tendre. Faites le sacrifice que Dieu vous commande, et qu'il vous bénisse 1000 fois. » Praskovi, trop émue, s'appuya contre la grille. Des larmes longtemps retenues couvrirent son visage. La malheureuse mère, hors d'elle-même, s'élança vers sa fille en sanglotant. L'abbesse fit un signe de la main. Au même instant, un rideau fut tiré. Les religieuses entonnèrent le psaume « Heureux les hommes irréprochables dans leur foi qui marchent dans la loi du Seigneur ». On entraîna Lopoulov et sa femme à la porte de l'église, où leur voiture les attendait. Ils avaient vu leur fille pour la dernière fois. La nouvelle religieuse s'assujettit sans peine à la règle austère du couvent. Elle mettait à l'exécution de ses devoirs la plus grande exactitude et gagna de plus en plus l'estime et l'affection de toute la communauté. Mais sa santé s'affaiblissait visiblement, sa poitrine était attaquée. Le couvent de Nijni, construit sur une montagne, battue par les vents, était dans une situation défavorable pour ce genre de maladie. Après qu'elle eut passé 1 an dans cette maison, les médecins lui conseillèrent de changer de séjour. L'abbesse, que des affaires appelaient à Pétersbourg, résolut d'emmener avec elle Praskovi. Outre l'espoir de favoriser par ce voyage le rétablissement de sa santé, la bonne dame pensait avec raison que la réputation de sa novice et l'affection que tout le monde lui portait dans la capitale seraient utiles aux intérêts du couvent. Praskovi devint une solliciteuse aussi active que désintéressée. Mais, se conformant aux convenances qu'exigeait d'elle son nouvel état, elle ne se répandit point dans la société comme la première fois, et vit seulement les personnes que la reconnaissance et l'amitié lui faisaient un devoir de cultiver. À cette époque, ses traits étaient déjà fort altérés par l'étisie prononcée, qui la minait sourdement. Mais dans cet état même de dépérissement, il eût été difficile de trouver une physionomie plus agréable et surtout plus intéressante que la sienne. Elle était d'une taille moyenne mais bien prise. Son visage, entouré d'un voile noir qui couvrait tous ses cheveux, était d'un bel ovale. Elle avait les yeux très noirs, le front découvert, une certaine tranquillité mélancolique dans le regard et jusque dans le sourire. Elle connaissait la nature et tous les dangers de sa maladie. Toutes ses pensées étaient tournées vers un autre monde qu'elle attendait sans crainte et sans impatience, comme une vaillante ouvrière qui a fini sa journée et qui se repose en attendant la récompense qui lui est due. Quand les affaires de l'abbesse furent terminées, les deux religieux se disposèrent à retourner à Nijni. La veille de son départ, Praskovi sortit pour prendre congé de quelques amis qui lui avaient envoyé leur voiture. En rentrant de leur maison, elle trouva sur l'escalier une jeune fille assise sur les dernières marches et dans le costume de la plus grande misère. La mendiante, la voyant suivie d'un laquais à livrer, se leva péniblement pour lui demander l'aumône, et lui présenta un papier qu'elle tira de son sein. « Mon père est paralytique, lui dit-elle, et n'a d'autre secours que l'aumône que je reçois. Je suis moi-même malade, et bientôt je ne pourrai plus l'aider. » Praskovi prit le papier d'une main, empressée et tremblante. C'était une attestation de pauvreté et de bonne conduite donnée par le prêtre de la paroisse. Elle se souvint aussitôt du temps malheureux où, assise sur les marches de l'escalier du Sénat, elle sollicitait vainement la pitié du public. La ressemblance qu'elle voyait entre le sort de cette pauvre petite fille et celui qu'elle avait elle-même éprouvé l'émut profondément. Elle lui donna le peu d'argent qu'elle avait et lui promit d'autres secours. Les personnes dont elle allait prendre congé s'empressèrent à sa recommandation de faire du bien à cette infortunée, et devinrent depuis cette époque les protecteurs de son père. Avant de partir de Pétersbourg, elle n'avait demandé la dispense de la loi qui défend aux novices de faire leurs vœux définitifs avant l'âge de 40 ans. Elle ne négligea rien pour obtenir cette grâce qui lui fut toujours refusée. En retournant à Nigénie, l'abbesse s'arrêta quelques jours à Novogorod dans un couvent de religieuses, dont la règle moins austère et la situation auraient été convenables à la santé de la pauvre novice. Celle-ci s'était particulièrement liée au couvent de Nigénie avec une jeune compagne qui avait une sœur dans le couvent de Novogorod où elle se trouvait maintenant. Pendant le séjour que Praskovi fit auprès d'elle, cette dernière s'efforça de gagner son amitié. Elle lui apprit que sa sœur avait obtenu de changer de monastère et de venir à Novogorod et lui conseilla de l'y accompagner. L'abbesse, qui voyait sa novice chérie dépérir sous ses yeux, y consentit elle-même, malgré la tendre affection qu'elle lui portait, et fit en arrivant à Nigénie toutes les démarches nécessaires. Praskovi quitta bientôt son ancien monastère, emportant avec elle les regrets sincères de toute la communauté et des personnes de la ville qui l'avaient connue. Elle employa les 2 premiers mois de son séjour à Novogorod à faire construire une petite maison de bois, contenant 2 cellules pour elle et son amie, parce qu'il ne s'en trouva point de vacante à leur arrivée, et fut très contente de son nouvel asile. Ses compagnes, qui la connaissaient déjà personnellement, regardèrent son entrée dans leur couvent comme une faveur particulière du ciel, et s'empressèrent de remplir pour elle les devoirs trop pénibles qui ne s'accordaient pas avec sa santé. Ses soins et la tranquillité dont elle jouissait prolongèrent ses jours jusqu'en 1809. Déjà les médecins depuis longtemps désespéraient de sa vie, mais quoiqu'elle-même en eût fait le sincère sacrifice, elle ne croyait point encore à sa fin prochaine. C'est sans doute par un bienfait de la Providence que dans cette cruelle maladie pour laquelle il n'est plus de remède, la vie semble se ranimer et donner quelques moments d'espoir à l'être qu'elle va bientôt abandonner, comme pour lui cacher les approches de cette heure terrible que personne ne doit connaître. Praskovi, la veille de sa mort, se promena quelque temps dans les cloîtres, avec moins de fatigue qu'à l'ordinaire. Enveloppée chaudement dans une pelisse, elle s'assit à la porte du couvent. Le soleil d'hiver semblait la ranimer. L'aspect de la neige brillante lui rappelait la Sibérie et les temps écoulés. Un traîneau de voyageurs passa devant elle et s'éloigna rapidement. L'espérance fit encore palpiter son cœur. « Le printemps prochain, dit-elle à son ami, si je me porte mieux, j'irai faire une visite à mes parents, à Vladimir. Et vous m'accompagnerez, n'est-ce pas ?» En disant ces mots, le plaisir brillait dans ses yeux, mais la mort était sur ses lèvres. Sa compagne tâchait de lui montrer un visage riant et de retenir ses larmes prêtes à couler. Le lendemain 8 décembre, jour de la fête de Sainte-Barbe, elle eut encore la force d'aller à l'église pour communier. Mais le soir, à 3 heures, elle se trouva plus mal et se plaça sur son lit sans se déshabiller pour prendre du repos. Plusieurs religieuses étaient dans sa cellule et, ne la croyant pas en danger, parlaient haut et riaient entre elles dans le but de l'amuser. Cependant, la présence de tant de monde la fatiguait. Lorsqu'elle entendit le son de la cloche qui les appelait aux prières du soir, elle les engagea à aller à l'église en se recommandant à leurs prières. « Aujourd'hui, leur dit-elle, vous prierez encore Dieu pour ma santé, mais dans quelques semaines vous prierez pour le repos de mon âme. » Son ami resta seul dans sa cellule. Praskovi la pria de lui dire les prières du soir comme elle en avait l'habitude, et pour accomplir sa tâche jusqu'à la fin. La religieuse, à genoux près de son lit, se mit à chanter doucement les prières, mais après les premiers versets, la malade lui fit signe de la main en souriant. Son ami s'approcha d'elle, et pouvait à peine l'entendre. « Ma chère amie, lui dit-elle, ne chantez plus, cela m'empêche de prier, récitez seulement. » La religieuse se mit à genoux. Pendant qu'elle psalmodiait les prières, la mourante faisait de temps en temps des signes de croix. La nuit devint sombre. Lorsque les religieuses revinrent avec de la lumière, Praskovi n'existait plus. Sa main droite était restée sur sa poitrine, et l'on voyait à la disposition de ses doigts qu'elle était morte en faisant le signe de la croix.